Leçon 6B. Le slalom. Mercredi, à 2h, Nathalie téléphone à Julie. Allô? Allô? Julie? C'est Nathalie. Salut Nathalie! Julie, est-ce que tu as des patins à roulettes? Oui. Pourquoi est-ce que tu demandes ça? À 6h, Luc et les patineurs font des démonstrations devant la tour Montparnasse. Et nous aussi, d'accord? Je n'ai pas envie. Et je trouve que c'est dangereux. Mais pour regarder, d'accord? Quand est-ce que vous avez rendez-vous? À 5h30. La dalle de la tour Montparnasse. 6h moins le quart. Les patineurs et les patineuses sont là. 6h. Yasmina, la sœur d'Ahmed, fait le slalom. Le public crie « Bravo, bravo !» Et voilà Ahmed. Il fait l'exercice sans faute. Puis, Nathalie et Yasmina font le slalom ensemble. Sans problème. Enfin, c'est le tour de Luc. Il crie... Et maintenant, mesdames et messieurs, le champion, le numéro 1. Bravo, bravo. François, le clown de la bande, hurle... Oui, Luc, tu es le champion. Tu es super. Bravo. Mais, Luc, qu'est-ce qu'il fait? Il rate un virage et tombe sur François. Aïe! Aïe! Ah, il est en forme, le champion! Ne pleure pas, frérot. Tiens, voilà une sucette.